Parce que manger est universel, parce qu'à l'heure où nous voulons renouer avec la qualité et la transparence, nous pensons que bien manger est un acte d'engagement. Parce qu'on est convaincu que nous prenons encore plus de plaisir quand on sait ce qui se cache derrière notre assiette. Parce que des milliers d'agricultrices, de producteurs, d'artisans s'engagent chaque jour en France pour notre santé et la préservation du vivant. Bienvenue dans La Parole aux producteurs, le podcast du site terroirmonamour.com. Mon rêve, c'est d'élever des cochons proprement. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre. Oh, ben laissez-les bouffer, qu'est-ce que ça peut vous faire? Bien manger, c'est important. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Éric Mainbourg, maître affineur dans les hauteurs de Chambéry. Il nous fait visiter ses tunnels d'affinage. Ça résonne, il fait froid et humide. Des milliers de fromages sont affinés ici dans un silence religieux. Dans cet épisode, Éric nous parle de son quotidien chef d'entreprise de 36 ans, de sa quête d'équilibre et de son amour pour la qualité des produits au travers de ses pépites qu'il choisit une à une sur ses étagères pendant des mois. Alors moi, je m'appelle Éric Mainbourg, j'ai 36 ans et donc je suis papa de trois petits garçons. Ça, c'est pour la partie privée. J'ai toujours travaillé plus ou moins dans le milieu agricole ou dans le milieu fromager. Et il y a bientôt 8 ans, j'ai décidé en fait de créer une cave artisanale qui a la particularité, on en reviendra plus tard, d'être située dans un lieu souterrain qui est un tunnel creusé sous la roche. Et c'est un projet que j'ai mûri pendant quelques mois avant de me lancer en 2011. Et aujourd'hui, 8 ans après, ben, je suis satisfait du résultat. Qu'est-ce que tu fais du coup, Éric? Alors moi, mon métier, c'est d'affiner des fromages. Donc en fait, je suis la dernière étape de la production. Je ne suis pas considéré comme agriculteur, je suis considéré comme artisan, donc je dépends de la chambre des métiers. Je suis la dernière étape, c'est-à-dire que je récupère des fromages qui viennent d'être fabriqués, qui sont ce qu'on appelle en blanc, et qu'on va derrière nous mettre en cave sur des planches d'épicéa pour faire des soins. Donc qui sont des frottages, des retournements, des brossages, des salages, pour que le fromage puisse passer du stade en blanc jusqu'à la forme que vous connaissez, que vous retrouverez dans vos crèmeries actuelles. Et c'est quoi qui te plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui fait que t'es patron, chef d'entreprise à 36 ans, il a fallu sûrement beaucoup de courage pour monter tout ça? Moi, ce qui m'a plu à la base, quand j'ai posé ça sur un papier, c'est de dire finalement, ce qui est très intéressant, c'est que je vais être une interface entre des producteurs fermiers qui ont parfois des petites productions, parfois des grosses productions, parfois pas de soucis logistiques, parfois des soucis logistiques, parfois des problèmes à écouler leurs marchandises au printemps ou l'été, parfois pas de problème. Donc l'interface entre toutes ces facteurs-là et puis des clients qui sont finalement de plus en plus exigeants parce qu'on voit beaucoup de crèmeries se développer, on voit du fromage aujourd'hui qui se vend sur Internet, qui se vend à l'export, et tout ça, c'est des contraintes en plus qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il faut être un peu plus fin, un peu plus pertinent, un peu plus précis dans notre affinage, notre manière de trier les fromages, notre manière de les expédier. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et après, l'autre chose que je me suis aperçu aussi, c'est qu'on avait dans le milieu fromager de plus en plus de concentration d'entreprises, y compris des entreprises qu'on appelle des PME, de taille intermédiaire, qui étaient souvent rachetées, reprises par des grands groupes. Et finalement, des vrais petits indépendants qui font du travail sur mesure, il n'y en avait pas tant que ça, ou plus tant que ça. Et je me suis dit, pourquoi pas créer, plutôt qu'essayer de reprendre, pourquoi pas créer quelque chose à mon identité, à mon idée. Et du coup, tu as dû relever quoi comme défi au démarrage? Alors, les défis que j'ai dû relever au démarrage, ils sont relativement nombreux, parce que quand on part d'une page blanche, à la fois c'est très bien, mais à la fois il faut tout construire. Donc le premier, ça a été un défi administratif, lié déjà à la création d'entreprise, lié aussi aux aspects sanitaires. C'est-à-dire que c'est pas évident de faire accepter l'administration qu'on va affiner des fromages au lait cru, fermiers, donc potentiellement un petit peu sensibles, on va dire, et qu'on va les affiner dans des tunnels qui n'ont pas forcément les conditions d'un bâtiment construit dans une zone artisanale côté de Chambéry. Donc ça, il a fallu montrer patte blanche, faire des essais, des tests, et puis un gros travail documentaire administratif pour remplir toutes ces conditions. Et une fois en fait que les services vétérinaires m'ont autorisé à affiner des fromages, et ben après ça a été trouver des producteurs, trouver des clients, et après trouver une ou deux personnes avec moi pour m'aider. Mais ça c'est plus le quotidien d'un chef d'entreprise normal, quoi. Et justement, ton quotidien aujourd'hui, à quoi il ressemble? Ce serait quoi une journée type aux côtés d'Éric Mainbourg dans ces tunnels? Le but de la journée, quand je me lève le matin et quand je repars le soir, c'est de mettre à disposition de mes clients des très bons fromages. Ouais. C'est tout simple, on prend l'opinel, on coupe un bout de tome, ben c'est bon, on a envie d'en reprendre un deuxième bout. Et ça peut paraître simple, mais mon quotidien, il est basé que là-dessus, parce que si on a des bons fromages, derrière, on va bien pouvoir les commercialiser, on va bien les valoriser, et puis derrière, tout s'enchaîne de manière positive. Si vous avez des fromages moyens ou médiocres, et ben là, c'est là où ça bute, c'est là où il faut forcer la vente, c'est là où ça devient plus compliqué. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, c'est un quotidien de terrain, c'est-à-dire que je suis un petit peu en cave, je suis un petit peu aux commandes, je suis un petit peu chez des clients ou chez des producteurs, je suis un petit peu au bureau, je suis un petit peu au magasin. C'est un travail très polyvalent, très varié, mais qui est ciblé, je le répète, que sur une chose, c'est mettre à disposition des très bons fromages. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Éric, là, pour les années qui viennent? Tu rêves de quoi, en fait, dans 5 ans, dans 10 ans? Mon idéal dans les années à venir, c'est pas de me développer à outrance, c'est pas d'aller chercher d'autres sites dans d'autres régions de France ou de multiplier par 4 mon chiffre d'affaires. Ça me fait pas du tout rêver. Le but, c'est d'être encore meilleur en qualité, d'avoir encore des relations plus profondes, plus sérieuses avec mes producteurs fermiers, mes clients, de rester à peu près sur les niveaux de taille où on est aujourd'hui, parce qu'on est sur une taille artisanale, on fait encore de l'affinage à la main, on a encore des petites séries, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et je vais être honnête, c'est un sujet qui est parfois tabou chez les chefs d'entreprise, mais moi, j'ai pas besoin aujourd'hui de gagner forcément plus qu'aujourd'hui, c'est plutôt de me libérer un peu de temps pour faire mieux mon travail, et puis aussi profiter de mes loisirs et de ma famille surtout, d'arriver à un meilleur équilibre personnel. Alors c'est vrai que quand on interroge les chefs d'entreprise, souvent, moi je veux plus 30% par an pendant 5 ans, je suis désolé, c'est pas le cas. Si elle est là, tant mieux, mais je pense pas. C'est plutôt d'arriver à un équilibre personnel. Super. Est-ce que, en parlant de qualité, on peut déambuler là dans les tunnels avec toi et que tu nous racontes un peu tout ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on va peut-être toucher aussi pour vérifier la qualité? Alors, là, vous avez des raclettes qui sont en cours d'affinage. Donc, en fait, l'affinage, le tout début est très, très important. On part d'un fromage qui est en blanc, c'est-à-dire qui n'a pas de croûte autour, qui est tout blanc. Là, suivant nos pratiques, suivant la cave, suivant ce qu'on va lui faire comme retournement, comme brossage, comme salage, on va arriver soit à une croûte qu'on appelle les croûtes type morgée, c'est-à-dire c'est les croûtes qu'on retrouve sur la raclette, le morbier, le beaufort, soit des croûtes qui vont plutôt être un petit peu fleuries, et nous, c'est plutôt des tomes de Savoie. Voilà. Donc le début est très important et il faut être très vigilant au jour le jour. C'est-à-dire que si le jeudi il faut retourner une fois, faut retourner une fois. Et si le jeudi de la semaine d'après il n'y a pas besoin de retournement, il n'y a pas besoin de retournement. Donc c'est un travail de sur-mesure pour être précis. Est-ce que tu peux nous décrire justement les croûtes que tu vois, ce qui va te faire décider de la retourner ou pas, de changer les planches? Un peu comme quelqu'un qui n'aurait pas du tout de photos. Donc là, en face de moi, j'ai une raclette qui commence à être relativement poisseuse. C'est-à-dire que quand je mets ma main dessus, j'ai vraiment quelque chose de poisseux, quelque chose de très humide dans la main. Il faut qu'on soit vigilant, parce que si elle devient trop poisseuse, elle risque de coller à la planche. D'ailleurs, on a déjà changé les planches une fois. Là, la planche a l'air d'être bien sèche, donc on va garder cette planche-là pour l'instant. On va quand même être vigilant. Et là, en fait, on va retourner le fromage pour pas qu'il colle à la planche. Donc ça, on va le retourner tous les deux jours, donc lundi, mercredi, vendredi. Je pense qu'on fera attention la semaine prochaine parce qu'on voit qu'il y a un petit duvet qui commence à se mettre, qui n'est pas très très bon. Donc on va les frotter, mais pas non plus trop humide pour ne pas empirer ce côté humide. Est-ce que tu peux nous redire où on est, Éric, et t'attarder un peu plus sur l'ambiance là, de ce parcours? On a dans l'entreprise 3 tunnels. Donc on a le tunnel ici principal qui est à côté d'Albertville, qui était un ancien stockage de dynamite et de munitions, qui était à l'abandon depuis des dizaines d'années. Et dans celui-là, on va affiner tout ce qu'on vient morger, en fait. Donc tout ce qui est raclette, morbier, également des abondances, des tomes morgés, des tomes frottés. Dans le deuxième tunnel qui est à Chambéry, qui est un abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale, Là, on va plutôt mettre des tomes, donc ça veut dire des fromages avec des croûtes fleuries. Voilà, où il y a vraiment de la flore, un peu ce qu'on appelle nous le poil de chat. Donc c'est vraiment ça, ça ressemble à du poil de chat qu'on peut toucher, qui est tout lisse sur le fromage. Et le troisième tunnel qui est à Chambéry, qui est une ancienne glacière, donc là où on conservait la glace pendant l'été pour les cafés brasseries de Chambéry, et ben lui, c'est un fromage à pâte pressée cuite, donc c'est là où on affine tous nos beauforts. Voilà. Et là, il y a une ambiance particulière. Et le bleu de Termignon aussi. Et le bleu de Termignon, il est avec les beauforts à Jacob, à Chambéry. Voilà. Donc, je dirais, chaque cave, chaque ambiance, et chaque type de fromage, chaque soin ou pratique qu'on peut avoir en tant qu'affineur. Donc là, il fait combien de mètres de long Alors, celui-là, à Rogny, à Albertville, il fait 65 mètres de long. À Chambéry, on en a un où il y a à peu près 500 mètres de galerie. Et puis la glacière, elle fait à peu près 200 mètres carrés. Et ici, l'ambiance est humide et fraîche à la fois. Bon, on est au plein milieu du mois de janvier, il a neigé toute la nuit. Ouais. Ce qui est très différent d'une cave à l'autre, c'est justement cette ambiance. Voilà, alors les ambiances, elles sont différentes. Par contre, au sein d'une même cave, comme on est sur des lieux enterrés, c'est tout l'avantage d'être sur des lieux enterrés, au sein d'une même cave, va y avoir très peu de variations dans l'année. C'est-à-dire qu'en plein hiver ou en plein été, on n'a quasi pas de variations. Nous, on regarde deux paramètres qui sont très importants pour l'affinage, qui sont l'hygrométrie, qui doit être relativement importante, et puis la température, qui doit être entre 9 et 13 degrés. Est-ce que tu peux nous montrer des gestes que tu ferais si on était mercredi, vendredi? Ouais. Mais tu vois, d'entendre des retournements, des choses ou un check qualité que tu ferais au son. Donc là, en fait, je prends une raquette, je vérifie qu'elle n'a pas trop collé. Donc là, c'est bon, je peux la décoller. Je la retourne. Donc là, hop, c'est un mouvement avec les poignets. Je la remets à la place. Je la fais dépasser un petit peu de la planche, pas qu'elle soit complètement sur la planche. Je la fais dépasser un petit peu. Et après, avec de l'eau et du sel, en fait, je viens la frotter. Voilà, pour créer la croûte. Alors c'est un geste qui a l'air de rien, il faut le faire de manière précise et concise pour qu'au fur et à mesure des semaines, tous ces gestes qu'on va faire, ils vont participer à la formation de la croûte. Si on fait mal ces gestes, ou si on ne les fait pas, ou si on les fait trop tard ou trop tôt, pas au bon moment, ou pas avec les bonnes planches, eh ben, on va avoir en fait toute une multitude de défauts qui vont apparaître. Donc soit le fromage va gonfler, le fromage va prendre des goûts pas très bons, le fromage va développer des flores qui ne sont pas désirables, ou alors il va devenir très poisseux, très humide et même limite vendable. Donc il faut être très précis sur ces gestes-là. Et comment tu vérifies que le fromage est prêt pour la commercialisation ? Alors, on va être clair, on ne goûte pas chaque fromage, parce que sinon ce serait compliqué. Mais par contre, on goûte des séries de fromages. Donc, par exemple, je ne sais pas, là je suis devant des raclettes d'ail des ours. Là, il y a à peu près une grosse semaine de production. On va essayer d'en goûter deux dans l'eau. On vérifie qu'il n'y a pas de défauts, qu'il commence à y avoir des goûts intéressants. Et voilà, ça nous permet de contrôler un petit peu. Donc tu viens carotter comme dans un comté ? Ouais, voilà, c'est une sonde, c'est un outil un petit peu long, avec un manche au bout. Et on vient faire une petite carotte, une sonde dans le fromage. On rebouche après et on goûte un tout petit bout juste pour vérifier la qualité. Super. On peut avancer là dans le tunnel ensemble que tu nous présentes, tous les bébés qui attendent sagement. Donc là, on voit des fromages en blanc. Donc là, c'est vraiment le début de l'affinage. J'en parlais tout à l'heure. Le début est très, très important, la première semaine. Voilà, d'avoir une planche bien sèche, des gestes adaptés, des retournements adaptés. Donc là, on voit en fait l'évolution qu'il va y avoir depuis un stade en blanc jusqu'à un stade où on va pouvoir le consommer. Alors, comme il y a beaucoup de sortes de fromages, et beaucoup de producteurs et de choses différentes, parce qu'on a plutôt des petites séries, on a des petites fiches qui nous indiquent en fait quel est le type de fromage et quand il a été fabriqué. Là, on avance encore un petit peu. Là, on a des fromages un petit peu plus affinés, avec des belles croûtes bien orangées. Du Vacherin. Ouais, du Vacherin. Là, on a des Morbiers. Okay. Pareil, des beaux croûtages. Et puis, ça reste très crémeux. Ouais, quand on fonce le doigt. Quand je le touche, voilà, je peux quasiment enfoncer le doigt dedans. Ça, c'est super intéressant en termes de texture. Au niveau de l'odeur, on voit ici, mais on le voit aussi sur les fromages en blanc, il y a cette espèce de l'odeur de levure, c'est-à-dire qu'on voit que le fromage il travaille, il dégage un petit peu de levure, mais ça pique pas non plus les yeux, c'est pas non plus un défaut, c'est pas de l'ammoniaque, c'est quelque chose de très sain. Là on a des raclettes, pareil, en cours d'affinage, voilà, pareil, des croûtages bien. C'est des meules de combien de kilos là que tu sors ? Ça fait à peu près 7 kilos. Donc en gros, nos tomes font à peu près 2 kg jusqu'à 4 kg. Les raclettes autour des 7 kg. Les abondances, les fontines d'alpage, c'est autour de 10 kg. Et puis les beauforts et les grosses pâtes cuites, c'est à peu près 40 kg. Donc ça, tu le retournes à la main ou On le retourne à la main. C'est un choix assumé de ne pas robotiser parce que dès qu'on robotise, on perd le suivi fromage par fromage. Et on perd aussi une partie de notre métier de précision. C'est-à-dire qu'on rentre le robot dans la cave, on appuie sur un bouton et on va le rechercher après. Que nous, on arrive à suivre un peu chaque journée de production, un de manière un peu plus précise. Est-ce que tu peux nous dresser un peu la tendance du moment sur ton métier d'affineur et le paysage français de ce métier ? Ben, il faut la tendance du moment sur l'affinage, il faut être à la fois réaliste et optimiste. Réaliste parce que c'est vrai que depuis une dizaine d'années, donc depuis que je me suis lancé, il y a pas mal d'entreprises familiales qui ont arrêté ou qui se sont fait racheter par plutôt des grosses structures et qui, à terme, perdent un peu ce côté précision et ce cœur du métier que nous on a. Après, il y a des entreprises qui grossissent beaucoup, qui se robotisent, qui ont des volumes énormes. C'est des centaines et des centaines de tonnes qui sortent chaque année. Donc voilà, là, je n'ai pas à juger. Chacun voit la taille qu'il doit avoir. Mais voilà, je pense qu'il faut rester sur des tailles relativement modestes, petites, à taille humaine. Il faut rester proche de ses produits et proche de ses producteurs. Et au niveau de nos producteurs fermiers, ils souhaitent quand même conserver une partie de l'affinage à la ferme. Et eux, souvent, sont en affinage à la main. On voit très peu de robots. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, ouais, réaliste et optimiste. Tu vois des différences en goût dans l'affinage manuel versus robotisé ? Est-ce qu'on arrive à faire la différence ? Sur le goût, oui, un petit peu. Et surtout sur l'aspect du fromage. Parce que nous, en affinant à la main, on arrive à être un peu plus sur mesure, donc on va avoir des fromages un petit peu moins standardisés, on va avoir des choses un peu plus hétérogènes. Je trouve que c'est plus intéressant, c'est un produit qui vit plus. Et ce qui fait quand même aussi beaucoup, c'est quand même l'ambiance de cave. Donc c'est la manière dont on gère sa cave, la manière dont elle est avec sa température, son hygrométrie, sa flore, son ensemencement naturel. C'est aussi ça qui est important. Il n'y a pas que robot, non-robot. Il faut être aussi réaliste. Et comment on survit, du coup, dans ce milieu qui se professionnalise, certes, mais qui, du coup, à mon avis, tire aussi les prix vers le bas ? Comment, toi, tu arrives à valoriser encore si bien tes fromages ? Ben, on arrive à valoriser parce que donc on arrive à rémunérer légèrement au-dessus la plupart de nos producteurs. Je ne parle pas pour tous, mais pour la plupart, on arrive à rémunérer légèrement au-dessus. On a des coûts fixes d'entreprise qui sont plus importants que si on était en robot dans des caves industrielles, ça c'est une certitude. Par contre, on arrive à aller directement voir des crémiers fromagers, des restaurateurs pour leur proposer nos productions et d'essayer de les inciter à valoriser un petit peu plus. Voilà. Donc c'est une chaîne de valeur qui se crée en fait du producteur jusqu'au client final. Peut-être qu'on vend moins de quantité, mais mieux valorisé et surtout avec une meilleure qualité. Et t'es optimiste justement là-dessus, la prise de conscience des clients et aussi des intermédiaires, les crémiers qui sont tes clients, tu sens qu'il y a un besoin de traçabilité, de qualité accrue ? Ben, tout à fait, on le sent tous les jours. Les crémiers fromagers, les restaurateurs, ils veulent se démarquer de l'offre que peut amener la grande distribution des grossistes. Donc nous, on le ressent tous les jours, c'est-à-dire que nos crémiers fromagers, nos petits clients, nos restaurateurs, ils souhaitent se démarquer de la grosse offre semi-industrielle qui existe, donc c'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Et en France, dans les années 2000, il y avait une crèmerie par semaine qui fermait, aujourd'hui il y en a quasiment une par semaine qui ouvre, donc on voit qu'il y a un vrai intérêt pour le fromage, mais pour le fromage avec une vraie identité, un vrai affinage, une vraie qualité de produit. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, quitte à en consommer de quantité moindre ou de manière plus occasionnelle, mais à mettre un petit peu plus le prix et avoir une qualité, une origine connue. Et justement, sur l'origine, toi, tu vas apporter cette histoire aussi aux crémiers, aux restaurateurs, sur le savoir-faire du producteur ? Ouais, tout à fait, je l'apporte à la fois sur nous, donc comment on travaille, comment le fromage il a été affiné. On accueille très volontiers tous nos clients pour faire des visites, c'est un grand plaisir à chaque fois. Et après, sur les origines, effectivement, on est transparent, c'est-à-dire qu'on explique chez qui on s'est fourni, comment ça s'est passé. Aujourd'hui, toi, tu peux garantir que toutes les bêtes qui ont donné ce lait, elles sont nourries sans OGM et sans alimentation fermentée ? Alors, le problème, c'est que j'ai un producteur encore qui le fait. Donc, je ne peux pas te répondre de manière globale. Mais sur 50 ? producteurs, il y en a donc un seul qui est encore sur cette alimentation-là. Ouais. Elle doit être justifiée. Bon, je ne sais pas si en 2019 on peut encore le justifier, mais... Sur nos 50 producteurs, on a 49 qui ne donnent pas ni d'ensilage ni d'enrubanage, qui limitent vraiment les apports extérieurs en céréales ou en concentré, et qui privilégient une chose toute simple, c'est l'herbe, que ce soit sous forme de foin ou d'herbe pâturée. La plupart de nos producteurs, ils vont en alpage l'été, donc on a sur les fromages qu'on fait fabriquer l'été en alpage des richesses aromatiques, des richesses de texture plus développées. Voilà, moi je suis surtout attentif en fait à l'alimentation des vaches. Après, que ce soit une abondance, une tarine ou une moyarde, je pense que c'est un critère qui vient dans un deuxième temps. Mais c'est surtout comment est suivi le troupeau, comment il est alimenté, est-ce qu'il est poussé de manière intensive, auquel cas moi ça ne m'intéresse pas, ou est-ce qu'il est conduit de manière extensive, plutôt intelligente, plutôt en s'appuyant sur la pousse de l'herbe, sur la saison, là ça m'intéresse. Et en 10 ans, est-ce que toi tu arrives à reconnaître une tome sur laquelle le troupeau a été bien mené, justement, pas stressé, à l'œil? Alors, à l'œil, c'est quand même difficile de... Ça, on a des indices, voilà, sur l'aspect, la texture, voilà. Donc, à l'œil, il y a un indice, mais le seul verdict, c'est de prendre l'opinel, de couper la tome et de goûter. Et puis, on peut avoir une très bonne tome une fois, mais ce qui compte aussi, c'est la régularité, donc c'est d'être bon toute l'année. Donc, il faut quand même, quand on démarche un nouveau producteur ou quand on va voir un nouveau producteur, il faut quand même qu'on ait un suivi sur plusieurs fabrications et qu'on voit s'il y a une relative régularité. Après, c'est dur d'être régulier aussi, parce que y a les saisons, il y a les événements naturels qui font que... Mais on essaie de tendre vers ça. Et toi, Eric, dans ton métier, tu dois encore apprendre quoi sur l'affinage des fromages ? L'affinage, c'est un métier qui est sans cesse en mouvement, parce que le même producteur, en fait, il faut qu'on adapte nos pratiques en permanence. Donc il n'y a rien d'acquis, donc ça, cette notion-là est très importante, parce qu'il faut être très attentif à chaque réception de fromage qu'on a et comment ils vieillissent en cave. Et après, apprendre, j'ai toujours à apprendre, parce qu'on nous donne même encore aujourd'hui, soit des producteurs qui viennent nous voir ou des gens qui ont déjà fait de l'affinage il y a longtemps, qui nous donnent des petites techniques, des petites astuces. C'est un métier qui est fait beaucoup avec de l'empirisme, et c'est un métier qui est à l'inverse d'aujourd'hui, où tout doit aller très vite, où on doit tout avoir immédiatement. Et là, au contraire, on donne du temps au temps. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, pour démarrer avec un producteur, il faut un an, parce qu'on fait un essai, 2 mois d'affinage, on fait un autre essai, c'est encore 2 mois d'affinage. Donc c'est un métier de temps, quoi. C'est sur la longueur, c'est un métier d'endurance. Et justement, en parlant de temps, quand je vois ton quotidien effréné, la façon dont tu dois aussi manager 12 personnes qui travaillent pour les caves, est-ce que tu as encore des temps de contemplation dans ton travail ? Alors, c'est vrai qu'on a on est un métier plutôt du matin, parce que l'activité des gens en cave se passe le matin, la préparation des commandes se passe le matin. Ouais, tu me disais que dès 4h30, 5h, c'est vrai que le matin, c'est un rythme assez effréné, assez soutenu. Il ne faut pas perdre de temps, il faut vraiment aller à l'essentiel. Vérifier le travail en cave, vérifier que les commandes soient bien prêtes, que les camions viennent charger à l'heure, qu'il n'y ait pas de soucis sur les ramassages de fromage qu'on fait chez nos producteurs. Donc ça, le matin, ils s'enchaînent relativement rapidement. Et après, les moments, je les ai plus l'après-midi, où je retourne en cave, je fais plus des suivis, ou alors je vais chez des clients, des producteurs. Là, j'ai plus de temps pour prendre du recul. Mais c'est vrai qu'on a un métier assez speed tout le matin jusqu'à 14-15 heures. Et t'as des petits moments secrets comme ça où tu te poses à un endroit de ta cave ou avec un morceau de fromage et où tu te dis ok, waouh, là, je me retourne et c'est chouette ce qu'on a fait, on avance dans la bonne direction. Alors ça arrive de moins en moins, mais oui, ça arrive encore. C'est quoi ces petits moments de bonheur? Soit dans la cave ici ou surtout chez les producteurs en fait. Donc c'est des petits moments de bonheur, alors ils arrivent un petit peu moins souvent qu'avant peut-être, mais ici en cave, c'est sûr, quand je suis tout seul, et puis surtout chez des producteurs, chez les producteurs fermiers, quand je suis sur place, et puis qu'on discute un peu des fromages, quand ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et que ça se passe bien, ça c'est un vrai moment de satisfaction. Voilà. Autre moment de satisfaction, c'est dans mon équipe, j'ai pas forcément de personnel qui a la formation de fromager, ou d'affineur, enfin une formation d'affineur n'existe pas, mais une formation de fromager. Et le fait de voir leurs compétences se développer et que même parfois ils sont au-dessus de moi en termes de connaissances d'affinage et de ça, c'est aussi une vraie satisfaction. C'est Génial. On a envie de déguster là toutes ces pépites. Est-ce que tu nous livrerais le fromage que toi tu préfères, sur lequel tu t'éclates aussi en termes d'affinage? Alors on peut goûter deux fromages différents. On peut goûter le bleu de Termignon, donc qui est un bleu fabriqué en alpage. C'est qui reste encore 5 producteurs. C'est le seul bleu qui bleuit naturellement. C'est-à-dire que quand on ouvre le fromage, c'est un petit peu la surprise, savoir si on a bien travaillé ou pas. Voir si le dieu bleuissement ou s'il est resté tout blanc. Donc, le but, c'est qu'il bleuisse. Ça, c'est le premier fromage qu'on peut déguster. C'est ton fromage préféré ? C'est un de mes fromages préférés, ouais, tout à fait. Et puis, le deuxième, on peut éventuellement déguster un persillé de Tignes, donc, qui est un mélange chèvre et vache, qui est fabriqué dans un petit village juste en dessous de Tignes. Donc, il ne reste plus qu'une seule productrice. Et là, ce qui est très intéressant, ce n'est pas un fromage très, très fort, mais c'est un fromage qui est très intéressant au niveau de sa texture. Et c'est son très bon équilibre entre le petit goût de chèvre qui est juste présent et puis le goût de vache qui donne toute sa noblesse au fromage. Cultiver son jardin, c'est un acte politique et c'est un acte de légitime résistance. Donc là, Eric, on est dans ta boutique. On va déguster déjà le bleu de Termignon. Donc on voit qu'il y a une jolie présence de bleu quasiment sur toute la pâte. C'est-à-dire que le bleu s'est bien développé. On a une croûte très, très brune, très marquée, parce que c'est déjà un fromage assez vieux. Donc là, ce sont des fromages de juin. Nous sommes début février, donc ils ont 7 mois. On voit que la pâte est légèrement sèche, mais chez ce producteur-là, c'est toujours un petit peu le cas. Donc là, la texture est un petit peu sec. À l'odorat, voilà, on sent cette petite pointe de bleu. Petit côté un peu sucré aussi. C'est une marbrure qui est magnifique et tu me disais tout à l'heure qu'on la retrouve nulle part ailleurs. En fait, c'est le seul bleu qui bleuit naturellement. Qui bleuit naturellement. Comment on l'explique ça ? C'est dans la manière de fabriquer. En fait, c'est un mélange du caillet entre le caillet, donc la fabrication de la veille, qui est remélangé au caillet du lendemain matin. Et c'est ce mélange de caillet qui crée cet esprit un peu moisi et l'apparition après de bleu. Et là, il est juste magnifique. Il y a un bon début de bouche. On voit le bleu dès le début. C'est persistant et ça continue. Et ce qu'on appelle après la fin de bouche, donc au bout de 30 secondes, une minute, on a toujours ce goût de bleu qui est présent. Je vais en reprendre un petit morceau. C'est excellent, il n'y a aucune amertume en fait fin de bouche. Tu vas le récupérer où, ce bleu ? Alors celui-là, on va le récupérer 3 fois par an dans le parc national de la Vanoise. Donc au niveau d'Entre-deux-Eaux, c'est au-dessus du village de Termignon. Quand on est à Termignon, on a à peu près 30 minutes de route d'alpage pour aller chercher les bleus. Et il reste combien de producteurs qui... Il en reste 5. Ok. Tu l'as choisi comment, là, typiquement, ce producteur ou cette productrice C'est l'inverse, c'est eux qui nous choisissent. Ah, qu'est-ce que tu apportes, là, à ce bleu que lui n'apporterait pas dans ses caves? Là, en fait, la notion est toute différente parce que, comme il est fabriqué qu'en alpage, ils ne pourraient pas laisser leur fromage en haut parce que c'est des alpages plutôt assez hauts, autour des 2000-2300 mètres d'altitude. Donc il faut vraiment avoir des caves en bas ou avoir des affineurs pour les affiner parce que sinon il n'y a pas de solution le reste de l'année. Okay. Donc c'est pour ça qu'on va chercher les fromages en alpage et on les redescend. Et c'est des fromages qui sont très impressionnants, ils pèsent quoi, 30-40 kilos ? Non, un petit peu moins, ils font une dizaine de kilos. Ah ouais. Et donc on les prend soit en blanc, soit un petit peu démarré à l'alpage. Et donc en tout, on en collecte à peu près 150 par an. Et alors là, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors là, on a un deuxième fromage, c'est un persillé petit. Fromage un petit peu plus frais. C'est un mélange de chèvre et de vache. Pareil, un fromage ancestral qui est fabriqué depuis des dizaines et des centaines d'années même. Merci. Donc il ne reste plus qu'une productrice. Comment t'expliques qu'il soit devenu si rare ? Eh bien... Dans les années 90-2000, quand il n'y avait plus que la grande distribution, je pense qu'il y avait moins d'intérêt pour ces pépites. Et aujourd'hui, moi, je pense que ces pépites, il faut les soutenir, il faut en parler, il faut les faire connaître. On note une acidité, là, déjà, dans le... Voilà, donc il y a une petite acidité, déjà, au niveau de l'aspect et de l'odeur. On a cette fraîcheur, ce côté un peu chèvre qui ressort. Et on sent très bien ce côté caillé voilà. Grumeleux. Voilà. Quand on l'a en bouche, on a à la fois le côté grumeleux et le petit côté assez souple, juste sous la croûte. Tu manges la croûte ? Là, sur celui-là, oui. C'est vraiment bon. Elle est superbe. Il a combien de mois, ce persil ? Là, il a un mois, il est assez frais, mais moi, je l'aime bien comme ça, un peu frais. Voilà, donc pour moi, une vraie dégustation, c'est sans vin, sans pain, c'est que le fromage. Et après, on met par ordre. Donc les fromages les plus frais ou les moins typés en goût, jusqu'au fromage les plus typés. Et là, tu as commencé par le bleu. Là, on a fait l'inverse. Voilà. Merci, c'est génial. Est-ce que tu peux juste nous commenter la différence faite entre un Beaufort d'élevage et un Beaufort... On a trois types de Beaufort. On a le Beaufort AOP, le Beaufort été AOP et le Beaufort chalet d'alpage AOP. Je vais vous parler des deux derniers. Beaufort d'été AOP, il est fabriqué dans une coopérative ou par une fromagerie avec le lait de plusieurs troupeaux. En fait, ce lait, on le redescend des alpages jusqu'à la fromagerie et on le fabrique. Donc c'est un mélange de lait de juin à octobre. Donc quand les vaches sont dehors, elles mangent de l'herbe. Et après, vous avez le Beaufort chai d'alpage AOP. Mm-hmm. Et celui-là, il est fabriqué en fait à l'alpage. Donc l'alpage doit obligatoirement être au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Si le chalet est à 1400 mètres, il n'a pas le droit à l'appellation. Ah d'accord, c'est une appellation protégée aussi. C'est vraiment une appellation avec des critères très précis. D'accord. Donc au-dessus de 1500 mètres d'altitude, avec le lait d'un seul troupeau. C'est-à-dire que si un autre agriculteur vient avec son troupeau et qu'il y a un mélange de lait, bah là c'est interdit. Et deux fois par jour, donc une fabrication le matin et une fabrication le soir. Ça ajoute quoi le fait d'avoir deux fabrications ? En fait, ça permet d'éviter de refroidir le lait. Donc on a à chaque fois du lait qui est vraiment issu de la traite, qui a subi aucun refroidissement, très peu de transport et qui du coup est fabriqué directement. L'inverse de ce qu'on va chercher sur un persillier par exemple, qui au contraire lui mélangera souvent les laits de la veille et du matin. Tout à fait, ouais. Voilà les grandes différences. Et donc un Beaufort chalet d'alpage permet d'avoir, une fois qu'on l'a affiné plusieurs mois, voilà, des typicités de goût un petit peu plus caractérisées, un petit peu plus fines qu'un Beaufort d'été de mélange de lait. J'ai senti des notes qui sont presque similaires à celui d'un comté très affiné. Je vais te laisser les décrire parce que je suis moins bonne que toi, mais il y a vraiment cette cristallisation avec les cristaux en bouche et une certaine... Voilà, tout à fait. Puis on a des arômes, sur le Beaufort d'été, on a des arômes très fruités dès le début de bouche, très équilibrés. Et sur les Beaufort chai d'alpage, et ça dépend des alpagistes. Moi, j'ai des alpagistes qui sont sur Courchevel, où on a un certain type de goût, d'autres sur Tigne avec un autre type de goût. C'est ça qui est intéressant aussi. Et après, on le sélectionne par rapport aux exigences de nos crémiers, en fonction de ce qu'ils nous demandent. Et il paraît que le Beaufort, c'est un des fromages qui valorise le mieux le lait de vache en France. Oui, alors la filière Beaufort, c'est une petite filière qui est essentiellement située sur des zones de haute montagne. Et c'est vrai qu'on arrive par le produit, par la manière dont il est commercialisé aussi, à pouvoir le valoriser relativement bien. Et le lait à Beaufort est le lait de vache le mieux payé de France, tout à fait. Ouais. Mais ça, derrière, c'est des hommes et des femmes qui, depuis des dizaines d'années, se sont battus pour... que les cahiers des charges, face à l'industrialisation, en fait, que les cahiers des charges très exigeants soient mis en place. Et aujourd'hui, on en récolte le fruit. Il y a quoi d'autre comme ça, comme AOP ou comme zone, comme terroir qui te semble... En Pays de Savoie, en fait, on a la chance d'avoir 5 AOP et 3 IGP. Donc on est quand même plutôt bien fourni. Moi, j'apprécie les 8 appellations, hein, bien entendu. Je ne ferai pas de, favoritisme l'une par rapport à l'autre. Mais c'est vrai que comme je suis situé dans l'appellation Beaufort et l'appellation Tom de Savoie et l'appellation Raclette de Savoie, ce sont 3 fromages avec lesquels j'ai un petit peu plus de proximité et un petit peu plus forcément d'aisance. C'est quoi les 5 autres appellations, Eric ? Après, vous avez le Chevrotin des Aravis AOP, vous avez la Tom des Bauges AOP, vous avez l'Abondance AOP, et après, l'Emmental de Savoie IGP, la Raclette de Savoie IGP et la Tomme de Savoie IGP. Et si ces pépites vous ont donné faim, vous pouvez les retrouver en 2 clics et vous faire livrer à la maison ou au bureau sur www.terroirmonamour.com. À bientôt.